On va parler de boxe en fin de semaine. C'est une grosse semaine de boxe puisqu'il y a, il y a plusieurs combats intéressants. D'abord, Simon King va se battre et Arthur Beterbiev. On en parle avec notre collaborateur de boxe, Bernard Barry. Salut Bernard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Bernard, en fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine de boxe localement, puisque Arthur Beterbiev se bat en championnat du monde, lui qui remonte sur le ring contre Callum Johnson. Oui, c'est ça, Callum Johnson, qui est invaincu, qui a 17 victoires en 17 combats, dont 12 victoires par knockout, qui est champion britannique et champion du Commonwealth. Mm. Et il avait été aussi champion du Commonwealth chez les amateurs. Donc, c'est un boxeur qui a un bon potentiel. C'est pas un boxeur qui va fuir la bagarre. Donc, on peut s'attendre à quelques étincelles rapidement en début de combat. OK. Si on y allait maintenant avec du côté... donc, c'est un bon match-up, on en parle. Oui, ça va être bon, le temps ça va durer, mais j'ai l'impression que Arthur Beterbiev, il cogne tellement fort, il est tellement précis. Et puis le fait que Callum Johnson, ben là, il refuse pas la bagarre, ben quelque part, il risque de se faire mal dans le combat parce qu'on sait à quel point Beterbiev est puissant. Pour lui, c'est Bernard, c'est une défense optionnelle, si je m'abuse, hein? Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas un gros danger là sur papier. OK. Mais on sait jamais parce que quand même, il n'a pas été très actif. Avait remporté son dernier combat contre l'Allemand Carling en novembre l'année passée. Donc, ça remonte déjà à 10 mois là maintenant. Ça peut-être jouer un petit peu en début de combat, mais il a tellement d'expérience, Beterbiev, qu'une fois qu'il va être dans le bain, là, une fois qu'il va passer quelques secondes, là, c'est un peu rien qui va faire. Et les gens qui veulent savoir, ben, ce ne sera pas à la télévision, ça va être sur Internet strictement. C'est le premier combat entre DAZN et le promoteur britannique qui s'en vient en Amérique. C'est Eddie Hearn, si je m'abuse, c'est son nom. Donc, c'est la première fois qu'on va affronter. Est-ce que ça va être en français, Bernard? Est-ce que tu fais ce combat-là? Nous, en fin de semaine, moi, je fais le combat de Simon King et Stephen Butler. Et le combat de Beterbiev devrait être présenté quelque part dans les prochains jours, là, selon ce que j'ai su comme information. Donc, les gens ne l'auront pas en direct à moins d'avoir DAZ, D-A-Z-N, qui est le réseau, le nouveau réseau, là, britannique, là, européen, là, qui est très agressif et il pourrait à ce moment-là l'avoir en direct. Mais tu sais, comme tu l'as dit, ça va être une soirée qui va être chargée. On sait que le MMA aussi avec notre ami McGregor, là, qui a un gros combat. Et là, nous, au centre Vidéotron, on a Eye of the Tiger qui présente les trois derniers combats sur TVA Sport après le hockey et Dave Monkstedt. Il va y avoir trois combats qui vont être présentés. Et je pense que le premier combat des trois, Jukun Baer, va être présenté à TVA Sport 2. Okay. Et par la suite, ben ils vont filer là après Morissette pour les deux derniers, soit Butler et Kane en finale. Et si vous savez pas c'est qui, le nom que Bernard vient de vous dire, retenez bien ce nom-là, ce gars-là va être champion du monde avant longtemps, lui, de ça. C'est toute une machine de boxe, Bernard. Tu me parles de Jukun Baer? Oui. Jukun Baer est très, très bon. C'est un boxeur gaucher, très élusif, un boxeur qui vient du Kazakhstan. Le gars, il est solide. Mais là, c'est sûr que il y a 13 victoires en 13 combats, dont 11 victoires par knockout. Ça a bien été jusqu'à maintenant. C'est un gars qui a une grosse carrière amateur. Il a eu près de 250 combats amateurs. Il a été amené ici par Anna Reva. C'est sûr qu'amené jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de gros défis. Là, son plus gros défi, c'est qu'il vient de perdre son entraîneur. On sait que Stéphane Larouche et Eye of the Tiger ont divorcé. Donc, il va avoir un entraîneur de l'Europe de l'Est qui va être dans son coin. Donc, ça va être une question d'adaptation, mais lui aussi a tellement d'expérience, Jukun Baer. C'est un boxeur qui est très intéressant à voir boxer. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Ah, regarde, c'est incroyable. Boxeur gaucher, d'ailleurs. Oui. Simon King va se battre contre Dylan Garmin. Simon King, jusqu'à où ça peut aller, ça? Est-ce que c'est aussi talentueux que Jean-François Bergeron, David Cadieux et toute sa gang-là qui ont passé avant lui? Moi, les deux boxeurs autonomes, sans aucun doute. Simon Keane a le talent, il l'a prouvé aux Jeux Olympiques. Premièrement, il s'est qualifié pour les Jeux. Donc, chapeau, là, c'est tellement compliqué, c'est tellement pas facile. Puis aux Jeux Olympiques, il avait bien paru, faisait un combat nul, mais il avait remporté la victoire au départage de points contre Tony Yoka, le Français, qui 4 ans plus tard a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il avait perdu contre le géant 6 pieds 9, Ivan Dechko, du Kazakhstan. Donc, avait déjà là, montré ses couleurs, comme quoi tu es capable de tenir son bout avec les meilleurs au monde au niveau de la boxe amateur. Puis quand tu seras aux Olympiques, mais tu sais que généralement, chez les pros, tu vas faire ta place et c'est ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu des adversaires à tout casser, mais ils sont plus dangereux, ils sont plus coriaces. C'était Alexis Santos. Ouais. Il a fini par le passer knock-out plus tard dans le combat. Mais tu voyais à ce moment-là que en battant Santos, là, Santos était un bon test. Et il avait passé knock-out au 8e. Le dernier combat contre Braidwood, on sentait pas beaucoup de danger à part la puissance de Braidwood. Mais là, c'est là qu'on a vu King, son expérience, son talent. Le contrôler avec son jab, bing, bang, bang en partant, puis il l'a assommé au 3e round. Oui. Donc Dylan Carman, on peut pas donner beaucoup de chance, même s'il était champion canadien. Il demeure que lui, il n'a pas battu grand monde. Il a fait un combat d'enfer avec Eric Martel il y a quelques années. Les deux s'étaient envoyés au tapis. C'était pour le titre vacant championnat canadien. Mais Dylan Carman, même s'il est imposant physiquement, même si c'est un gros gars, il n'est pas supposé être dans la même ligne que Simon King. Non, OK. Donc, ça devrait les lumières devraient se finir assez de bonheur. Steven Butler, maintenant. Oui, Steven Butler, c'est intéressant. Contre Jordan Balmain, on sait que sur papier, Butler va être avantagé. Il y a 24 victoires, dont 21 par knockout. Il y a une seule défaite, un combat nul. Balmain est invaincu 10-10, 6 knockouts. Balmain est bien, il a une expérience en boxe amateur assez limitée, mais il a une expérience aussi en combat d'armes martiaux. Ça peut être compliqué pour Balmain, qui est plus petit, que tu sais, si on regarde un peu, il y a moins de talent aussi. Là, Butler était un boxeur talentueux. Il est moins puissant, mais il a du cœur en tabarnouche. Okay. Et à son dernier combat, quand il avait remporté la victoire par knockout contre un Mexicain, si je me rappelle bien, il est arrivé à nos micros et lui avait dit moi je veux Steven Butler, à notre grande surprise, là, c'était comme pas prévu. Il avait dit moi je veux Steven Butler, ça c'est Steven, écoute-moi, là, je vais me battre avec toi. Le lendemain, Steven Butler, lui, a dit oui de suite. Le lendemain, Eye of the Tiger, on signait ça. Donc, c'est le fun de voir que lui, Balmain, il a tout à gagner là-dedans parce qu'il est moins bien classé que Butler. Donc, il est convaincu qu'il a ce qu'il faut. Et Butler, ben chapeau, là, lui qui a dit à un moment donné, ben s'il y en a au Québec qui veulent m'affronter, j'ai pas peur de personne. Fait que ça risque d'être un très, très bon combat local. Mais encore là, sur papier, on doit favoriser Steven Butler qui a beaucoup d'atouts là, dans son sac. Là. OK. Donc, c'est intéressant. Hey, David Lemieux contre Canelo Alvarez, est-ce que ça va se faire? Est-ce que on s'en va vers ça? Ben là, les as sont alignés. Lemieux a fait ce qu'il fallait contre O'Sullivan. C'était la bonne place pour l'assommer. Donc, avec Alvarez, ça fait tellement d'années qu'on parle d'un combat possible entre ces deux-là. Deux jeunes boxeurs, deux cogneurs. Mais c'est sûr que la carrière d'Alvarez a été plus prestigieuse jusqu'à maintenant, même si le mieux était champion du monde. Donc, de mettre ça sur le ring, tu sais, j'ai comme l'impression... Alvarez, là, il fait tourner l'économie de la boxe à Las Vegas. Fait que si tu veux le battre, là, les rounds serrés, là, il les a. Les combats serrés, il va les avoir. Fait que si tu veux battre Alvarez, il faut que tu l'assembles. Bon, mais là, ça prend un cogneur. Ben, le mieux, là, on dira ce qu'on voudra. Sur papier, effectivement, il est deuxième. Alvarez a plus d'atouts dans son jeu. Une chose est sûre, il y a un méchant de claque. Puis, un cogneur, on sait jamais. OK. Donc, on va surveiller ça aussi. Hey, grosse nouvelle c'est une très grosse nouvelle dans le monde de la boxe. HBO qui se retire à partir du 27 octobre. Une entente qui aura duré 45 ans entre HBO et la boxe. C'est une grosse page de l'histoire de la boxe qui va se tourner. Hein? Oh, que oui, eux qui avaient commencé en 1973 à Kingston, en Jamaïque, là, avec le combat Frazier contre Foreman, où la fois que Foreman avait envoyé Frazier 6 fois au tapis en dedans de 2 rangs. Frazier était toujours à terre. Ça a commencé là, puis là, il y en a qui ont passé. Hein, là, les meilleurs ont passé là. C'est prestigieux. Boxer sur HBO, là, on les nommera pas parce qu'on finira plus. Mm. Même chose est sûre, chez nous, Éric Lucas était le premier à boxer là de notre groupe. Mais c'est surtout Arturo Gatti qui a fait les beaux jours là, de HBO là, pour nous, les Canadiens. Quand on voyait les combats d'Arturo, et Arturo gagne ou perd le combat d'après, il était encore sur HBO. Okay. Tellement il était spectaculaire. Fait que lui, ça a été une méga star pour HBO parce que on savait qu'avec lui, on s'ennuierait pas. Donc, c'est certain que tous les boxeurs avaient comme objectif éventuellement de boxer sur ce réseau-là qui les bourses millionnaires puis avec des copes d'écoute à tout casser. Donc, tu voulais être champion du monde, tu voulais boxer sur HBO, et là, maintenant, au fil des années, Showtime, qui ont devenu les gros réseaux. Et là, HBO a senti un petit peu le vent souffler. Ouais. Lui, il est dans les téléséries, il est dans un paquet d'affaires qui est pas la boxe. Et lui, il a senti que ça allait. Il y en avait d'autres qui étaient intéressés là, par la boxe. ESPN, entre autres. Qui voulait. La compétition, là, elle devenait de plus en plus forte. Ouais. Et puis, ils se voyaient pas vraiment, eux autres, rendus là, l'intérêt est à moindre. On sait qu'aujourd'hui, ben, avec Showtime est toujours aussi vivant. T'as Daz qui, là, maintenant, arrive avec 1 milliard à mettre sur la table. T'as ESPN qui va le présenter 54 galas, là, en peu de temps. Hey. Puis t'as PBC Fox qui est là aussi. Fait que, là, HBO, c'est dit, ben là, on regarde ça, là. Ça allait bien quand on était en haut de la montagne, puis c'est nous autres qui décidaient, mais là, on n'est plus sûr, on va trouver de se battre. On dit, on va se battre. Ils n'ont pas fermé la porte complètement. Non. Ils ont dit, on veut plus de séries régulières, mais il n'y a rien qui nous empêche de compétitionner à un moment donné. S'il arrive un méga combat, on sera peut-être intéressé. Ouais. Mais généralement, moi, je suis pas. Quand tu te retiens, tu reviens pas. Ils vont revenir dans le business, Danny, t'as pas besoin d'être inquiète. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, on pense toujours que c'est fini, puis. Ben, ça rebondit toujours dans ce milieu. Mais mettons que c'est fini, un gars comme Arturo Gatti aura fait beaucoup, beaucoup de bonnes soirées pour HBO. Hein? Ah, écoute, Danny, on avait tout ça. Ouais. Arturo, t'as sa carte HBO, là, t'as prestigieux. Là, on sentait qu'on était quasiment là. Puis là, Michael Buffer arrivait. Puis Arturo Gatti, Thunder. Ah, tu savais, qu'on était énervé. On était énervé. Puis Gatti, ben là, on sait quel genre de boxe qu'il faisait. Là, c'était. Mm. La boxe de démolition. Fait que là, on stressait tout le combat, puis on sortait de là. On allait se coucher tard, mais on se couchait heureux. Ah oui, effectivement. Bernard, gros merci. On s'en reparle beaucoup parce qu'au cours des prochains mois, parce que j'ai l'impression que d'ici décembre, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxe. Ah oui, d'ici décembre, le pif, paf, pouf, là, ouais. La boxe va être très populaire. OK. Bernard Barré, notre collaborateur de boxe.